changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale. C'est votre magazine radio sur les arts visuels à Québec. On a un petit décalage dans l'installation en studio. Ça va vite. Ça va vite. On n'a pas eu le temps de désinfecter. Donc, on a laissé le thème vous bercer un peu plus longtemps qu'à l'habitude. Donc, c'est votre magazine radio sur les arts visuels à Québec sur les ondes de CKRL 89.1. Et à l'animation de l'aérospatiale, Gentiane Lafrance, moi-même, et ma co-animatrice Myriam Leland. Allô, Myriam! Allô, Gentiane! Donc, comme tu disais, on a été un petit peu pressés pour notre entrée en studio, mais par chance, on a une magnifique émission, j'allais dire exposition, je suis trop dans les arts visuels. On a une magnifique émission qui est prévue pour vous ce soir, à commencer par la chronique de Delphine Guesbord qui nous parle de la publication de Jean-François Prost, La Fête, qui est publiée par Vue et apparaître en juin, donc très bientôt. Et Vue a eu la gentillesse de permettre à Delphine de pouvoir consulter cette publication-là et elle va nous en parler en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, on va recevoir Nathalie Leblanc et Guillaume Côté qui vont nous parler d'une résidence qu'ils font chez Avatar. Les deux sont à la fois dans l'équipe d'Avatar, mais aussi en résidence en ce moment, en préparation là, d'un projet en collaboration avec la maison Girardin, donc, qui est une maison historique à Beauport. Donc, en objet partiellement distinguable, c'est l'œuvre sur laquelle ils travaillent en ce moment. Et c'est dans le cadre de l'exposition Girardin raconte, présentée par la Société d'art et d'histoire de Beauport en collaboration avec Avatar. Donc, on va pouvoir en savoir plus en deuxième partie d'émission sur ce beau projet, l'art sonore, le vent dans les voiles en temps de pandémie. Oui, exactement. Puis justement, on profite de cette vague-là, de ce vent-là, parce que ben, la semaine dernière, vous vous rappelez peut-être, on vous a présenté la majorité du bureau de l'APA qui avait été fait en collaboration avec Avatar, justement. Et on a eu envie de poursuivre cette belle collaboration-là, de retourner aux sources de l'aérospatiale, parce que les pauses musicales, à la base, c'était justement une genre de commissariat sonore lors de l'émission. Et c'est ce qu'on recommence à faire avec l'émission d'aujourd'hui. Donc, Avatar a eu la gentillesse de nous donner accès à un album qui s'appelle Bruit TTV, qui est fait par le groupe, qui a été fait par le groupe du même nom. Donc, on va se lancer tout de suite avec une pause audio. Et plus loin dans l'émission, vers la fin de l'émission, on va vous parler un petit peu plus de qui sont Bruit TTV, parce que c'est un album qui date de... qui est aussi vieux que moi, en fait, qui date de 92 quand même. Donc, on vous en parle un petit peu plus en fin d'émission et on se laisse tout de suite avec la piste 4 on off cut. Et au retour de cette pause audio, gracieuseté d'Avatar, on parle avec Delphine Guisbard de la publication La Fête de Jean-François Prost. Dérapé, boulineux, cabou. Yak, emmulé. Pardon, pichka. Foudro, Pakucha, Ask, Tommy, Jolote, Washka, Sil, Akouen, Abri, Watat, Banquise, ah? Nake, Couvert, Pukwa, Iskanipuna. Adi. Cano. Brasil. Nous sommes de retour à l'aérospatial et nous avons au bout de l'écran en direct, on se lance dans le direct, là, on lâche les préenregistrements, on se lance des nouveaux défis avec Myriam Leland qui gère tout ça à la console d'une main de maître en devenir. On se croise les doigts pour que ça fonctionne. Au bout de l'écran et du micro, on a Delphine Eguesbar. Bonsoir Delphine. Bon, on l'entend pas. On t'entend pas. Alors, on va mettre une autre pièce musicale pour que vos oreilles soient gâtées pendant qu'on gère notre console. Notre apprentissage de la console et de la vidéoconférence en simultané. Exactement. Donc, on va tout simplement continuer la pièce qu'on était déjà en train d'écouter, qui est 4 on off cut du groupe Bruit TTV. Et peut-être une autre piste continuera après le temps qu'on gère notre console. Puis, on vous revient dans pas très longtemps. Oh, okay. Bienvenue à l'aérospatiale, Myriam Leland toujours au micro. Vous nous avez peut-être entendu rocher en bon français. Faire du hors d'onde en onde. Exactement, derrière la console. toutes nos excuses, mais en même temps, vous êtes la bienvenue parce que vous avez probablement ri avec nous. Nous en rions encore. Alors, en ce moment, on devrait pouvoir entendre Delphine et Gusbar. Bonsoir. Bonsoir. Oh, on l'entend et qu'on est content. Donc, Delphine, on en revient de nos problèmes de console. Ce soir, tu voulais nous parler de cette publication publiée par Vue de Jean-François Prost qui s'appelle La Fête. On te lance tout de suite pour que les gens oublient un petit peu nos problèmes de console. Qu'est-ce que c'est la publication La Fête? Oui, ben, je suis très contente d'être en direct parmi vous ce soir. D'abord, on peut dire que la publication qui est tout récemment parue chez Vue, c'est un projet qui remonte au moins jusqu'à 2016, qui s'est amorcé lors d'une résidence de création à Vue de Jean-François Prost, qui déjà voulait explorer un peu des pistes de recherche autour de l'idée de la fête comme une activité qui permet de s'approprier des espaces publics, évidemment qui peut être vécu dans des sphères privées également, mais déjà il y a l'idée de la fête comme un espace de liberté qui s'amorçait à ce moment-là. Et il y a un peu son pendant aussi, disons, critique, là, où il réfléchit aussi sur comment les villes tendent un peu à restreindre un peu ces rassemblements festifs ou à les baliser, à établir, bon, des frontières et tout ça. Puis c'est déjà, en fait, en fait, on peut dire que Jean-François Prost n'est pas un photographe par discipline, disons, comme artiste, mais il réfléchit beaucoup à la ville, il la pense, il la questionne, il réfléchit à l'aménagement, à l'architecture d'une manière un peu non disciplinaire. Puis déjà, il réfléchit à nos rapports à l'espace, aux lieux, aux autres. Fait que vraiment, cette réflexion-là autour de la fête puis de son potentiel transformateur était vraiment un terreau très, très fertile là, à réfléchir. Plus précisément, la publication, en fait, c'est un objet qui est assez complet et à plusieurs volets, j'oserais dire, parce que certains se souviendront peut-être, en fait, de l'appel à images et à sons qui avait été fait en 2019 ici au Québec, qui avait été initié par Vue pour le volet image et par Avatar pour le volet son. Il faut dire aussi qu'il y a eu aussi une collecte d'images qui s'est faite au Brésil par le Goethe Institut Salvador de Bahia au Brésil en 2018. Fait qu'on retrouve dans un premier temps dans la publication un grand lot d'images qui ont été travaillées par Jean-François Prost et auxquelles certaines on vient superposer des sons, des extraits sonores qui ont été soumis par différents artistes. Mais à ça, on retrouve aussi des textes écrits par différents auteurs et on trouve aussi différents collages, réflexions, constellations d'images créées aussi par Jean-François Prost. Donc, on a vraiment plusieurs volets là, qui viennent cohabiter à l'intérieur de cet objet livresque, si on peut dire. Et c'est vraiment une espèce d'ensemble collaboratif au final, puisque il y a différents matériels visuels et sonores qui est rassemblé par l'artiste pour en faire un objet qui provient de toutes ces sources-là. Oui, puis ça en fait vraiment un objet de réflexion finalement, puis c'est intéressant comment il y a le rapport un peu à l'auteur là, qui est intéressant aussi à noter là, dans la manière que la publication est construite, parce que à l'arrière de la publication, on retrouve le nom de Jean-François Prost, mais on retrouve aussi tous les noms de toutes les personnes qui ont contribué par cette matière image ou sonore qui a été partagé. Et aussi, il faut dire, les textes, ils ne sont pas signés de Jean-François Prost. C'est des collaborateurs qui signent des textes. On retrouve notamment Hélène Matt, qui propose un ensemble de textes poétiques à l'intérieur de l'ouvrage. Donc, c'est vraiment un ensemble qui est vraiment multifacette, puis où Jean-François Prost vient un peu réfléchir ou proposer une réflexion finalement à partir de ces différentes matières-là. C'est super intéressant en fait, parce que la séquence d'images, la principale, je dirais, séquence d'images là, qu'on peut voir dans un premier temps quand on parcourt l'ouvrage, c'est des images qui sont présentées sans titre, sans mise en contexte, sans mention d'auteur, fait qu'on vient vraiment les dépouiller complètement pour présenter strictement les images pour elles-mêmes dans un agencement, dans une séquence qui est travaillée, où on remarque parfois des échos formels entre les images qui cohabitent sur une même page. On remarque aussi des associations thématiques parfois ou une harmonie dans l'atmosphère des photos. On devine que ces images-là ont été prises lors d'événements publics, lors de rassemblements familiaux ou lors de soirées entre amis. C'est très, très varié. Puis la nature des images aussi varie beaucoup, parce qu'on peut retrouver à travers cet ensemble-là des séries photographiques d'artistes, des images prises justement lors d'événements, puis des images d'archives aussi. Fait que c'est vraiment des matières très variées qui viennent cohabiter, mais je dois dire que j'ai parcouru l'ensemble vraiment avec un certain ravissement. Là, on va dans l'univers des raves, des carnavals, la chaleur des maisons. On voit des costumes de soirée aux couleurs flamboyantes, mais aussi des déguisements un peu troublants parfois. Y a de l'intensité, de la fierté, de l'exaltation, une sorte de légèreté dans les groupes de gens. On voit aussi la danse, puis la fatigue qui vient après les soirées intenses. C'est des confettis, c'est les lumières nocturnes. On se retrouve au milieu de foule, de bains de foule, mais aussi parfois parmi les spectateurs de représentations de danse. Puis on est vraiment dans une ambiance justement qui est parfois un peu électrique. Parfois, on est un peu dans l'envers du décor aussi. On retrouve les lieux de manière un peu plus silencieuse, les décors un peu festifs, mais sans les gens qui viennent l'animer. Fait qu'on est vraiment dans une multiplicité d'aspects ici. Bien, merci beaucoup, Delphine Eggesbar. C'est super intéressant, justement. Puis ça donne vraiment le ton avec le déconfinement qu'on a ces temps-ci. Puis on s'en reparle, en fait, on continue de s'en reparler de l'autre côté de la pause. On se laisse encore pour une autre piste de bruit TTV qui cette fois s'intitule Saragosse Québec, et on va faire bien attention pour que vous nous entendiez pas en fond de cette piste-là, et on se retrouve de l'autre côté de la pause audio, toujours avec Delphine Eggesbar. Saragosse et des espaces. Mmh. déjà l'engorgement de Los Ruidos entre des habitats en armure d'Espazo. Alors, nous sommes de retour à l'aérospatiale et on continue notre conversation avec notre chère Delphine Higgisbar à propos de cette publication de vue, une publication qui a pour titre « La fête ». Et c'est un livre photo de Jean-François Prost, mais ce n'est pas nécessairement Jean-François Prost qui a fait les photos. On en parlait il y a quelques minutes. Il y a une soixantaine de personnes qui ont répondu à l'appel puis qui ont fourni du matériel visuel et sonore pour construire ce livre photo-là, Delphine. On parlait de décontextualisation avant la pause musicale, donc les photographies sont décontextualisées et recontextualisées dans une autre trame narrative. Donc on ne sait plus qui est qui, quelle photo vient d'où, de qui, de quoi, de quel contexte là. Oui, exact. Donc, il faut aller à la toute fin de l'ouvrage pour retrouver finalement les notices des auteurs des photographies avec parfois quelques informations sur l'année de la prise de vue, l'événement ou la ville dans laquelle l'image a été prise. Fait que vraiment, dans leur présentation en tant que telle, les images sont vraiment associés simplement pour ce que l'image nous donne à voir, puis à se présenter dans cet ensemble-là, puis dans cette séquence-là thématique, d'atmosphère et tout ça. Puis je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure, mais il y a certaines séries d'images au cœur de cette grande... de cette grande séquence d'images-là, de certains artistes. Entre autres, il y a Jean-François Prost qui ouvre la séquence d'images par une série qui s'appelle After Party de 2014, où on voit des discothèques ou des boîtes de nuit, mais photographiées de jour. On voit vraiment juste la devanture du bâtiment, puis c'est des lieux qui sont pleins de promesses, là, le Valentino, le Must, l'arc-en-ciel, le diamant, mais qui ont une allure un peu défraîchie dans la lumière un peu crue du jour. C'est des images qui sont comme silencieuses, comme ces lieux-là, ils sont en attente, puis ça contraste un peu avec l'animation nocturne là, qu'on associe à ces lieux-là. On peut mentionner aussi le collectif allemand de André Giesmann et Daniel Schultz, qui photographie des boîtes de nuit à la fermeture. Donc, une fois qu'on ouvre les lumières, que tout le monde est sorti, les lieux sont laissés tels quels. La lumière des néons illumine ces lieux-là qui sont complètement dépouillés sans leur habillage lumineux et coloré. Il y a un peu de déchets, donc c'est comme un peu au moment où la magie disparaît ou se défait. Donc c'est ouais, le last call que parfois on a quelques surprises. Donc ça vient ponctuer un peu cet ensemble-là. Et pour écouter les extraits sonores qui accompagnent certaines images, on utilise l'application gratuite Artivivé. Donc les images sont identifiées par un petit logo. On vient balayer l'image avec le téléphone intelligent, puis ça nous permet d'entendre des sons qui sont associés à chacune des images sélectionnées, donc des oiseaux, des discussions éloignées d'un groupe, des rythmes électroniques. Donc, on a vraiment une panoplie de sons qui viennent un peu habiller finalement les images. Donc, est-ce que chaque image est associée à un son dans tout l'ouvrage? C'est pas systématique, mais il y en a vraiment plusieurs qui le sont. Puis c'est vrai, puis le son est vraiment associé spécifiquement à l'image, là. C'est pas aléatoire du tout, donc ça vient un peu ajouter à l'atmosphère ou à l'ambiance sonore finalement de ces images-là, où ça vient créer un dialogue en fait. Et je mentionnais des collages aussi photographiques de Jean-François Prost. En terminant, il y aurait tant de choses à dire, mais il y a des collages numériques en quelque sorte là, par l'association d'images, d'articles de journaux, d'extraits de textes qui sont créés aussi par Jean-François Prost qui sont plutôt vers la fin de l'ouvrage, qui créent comme des constellations thématiques où on présente un peu la fête comme un acte de résistance ou justement le contrôle qui est exercé sur les lieux puis les événements festifs. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Bien, merci beaucoup, Delphine Eggersbar. Donc, ce livre, La fête de Jean-François Prost, édité par Vue, va être lancé au mois de juin. On surveille leur communication et on te trouve très chanceuse d'avoir eu une copie de presse et pouvoir la toucher, la feuilleter et faire rayonner son iridescence de couverture. Nous, on va prendre une pause publicitaire et au retour, on s'entretient avec Nathalie Leblanc et Guillaume Côté. Eh bien, Guidoune, change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée, maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec. Ce printemps, on se voit au cinéma. J'aime mieux voir des films au cinéma qu'à la maison. Pour nous, c'est important de faire découvrir le cinéma québécois à nos enfants. Après tout ce temps-là, de voir des films, enfin, on se sentait en sécurité, c'est vraiment formidable. On retrouve ce qu'on vivait avant, distancé. On dirait que c'est un événement quand on va au cinéma. Faites comme les films québécois, sortez en salle. Souterrain, le film d'ouverture des rendez-vous Québec Cinéma, sera à l'affiche dans votre cinéma dès le 4 juin. Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec. Le Radioton fut un succès retentissant. Grâce à cette réussite, CKRL souligne l'apport des partenaires gouvernementaux. La ministre de la Culture et des Communications et députée de Montarville, Nathalie Roy. Le député de Jean Lesage, Sol Zanetti à l'Assemblée nationale. La députée de Taschereau, Catherine Dorion à l'Assemblée nationale. La députée fédérale de Beauport-Limoilou, Julie Vignola. Et le député fédéral de Québec et président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos. Travail, il n'est pas. Léa, te souviens-tu comment bien utiliser la trancheuse? Question que vos employés se blessent. Au travail, il n'est pas. Théo, as-tu tes gants de protection? Question que vos employés se blessent. Au travail, il n'est pas. Ali, as-tu placé l'échelle comme je t'ai montré? Question que vos employés se blessent. Employeur, il est nécessaire d'engager un dialogue avec vos jeunes employés et d'être attentif à leurs interrogations sur les risques présents dans votre milieu de travail. Un message de la CNESST. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée, maudite bokeh? Change d'air. Nous sommes de retour à l'aérospatiale et on poursuit cette vague d'entrevues en direct, en visioconférence, un peu décontenancante pour nous qui nous lançons aujourd'hui dans cette aventure pour la première fois. Et nous avons au bout du fil Nathalie Leblanc et Guillaume Côté. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons eu envie de vous parler de ce projet sur lequel vous travaillez. Vous êtes en résidence à Avatar en ce moment pour une coproduction avec la Société d'art et d'histoire de Beauport pour un projet à la Maison Gérardin. Donc, vous avez eu carte blanche pour explorer la maison, son histoire, ses sons, ces objets. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet-là, là? Oui, en fait, ben, ça, c'est quand même un projet sur une durée courte, je veux dire. Donc, on a eu, faudrait que je revoie peut-être un deux semaines, peut-être trois semaines, en tout cas pour travailler là-dessus, mais échelonner un peu dans le temps. Donc, c'est ça, oui, en fait, on a reçu une belle carte blanche, une belle opportunité de développer un projet un peu in situ. C'est ça où, en fait, on s'est inspiré de la maison en tant que telle comme matière pour développer l'installation interactive qu'on a terminée aujourd'hui. Donc, l'installation interactive est terminée. Le lancement de l'exposition est demain, le 3 juin. Et puis, donc c'est présenté donc dans le cadre de l'exposition Gérardin raconte. et puis, votre projet se nomme « En objet partiellement distinguable ». Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre-là, Guillaume? Oui, bien, en fait, on voulait évidemment utiliser l'histoire et en fait la multitude de bels objets qu'il y avait donc dans la maison Gérardin, qui est une maison quasi ou du moins tricentenaire, donc des beaux vieux objets en bois. Mais on ne voulait pas donc faire quelque chose de très littéral, donc de simplement juste plaquer les objets qui sont en bas, en haut, avec que ce soit des photos ou bon, peu importe, le matériel. Et donc, on s'est dit qu'on allait un peu jouer sur le côté abstrait de la chose, donc de l'objet. Mais qu'on voulait tout de même quand même que la personne qui monte au deuxième étage de la maison expérimenter l'installation puisse les reconnaître un peu. Donc, qu'on ne soit pas dans l'abstraction qui est totale. Donc, des objets partiellement distinguables. Exactement. Puis, ben, ça donne, en fait, quand on participe à cette installation-là, ben, on le voit tout de suite là, en quoi le titre fait référence. Donc, il y a des jeux de lumière sur... Donc, sur de l'acrylique, en fait, on a gravé, là, pour faire court, là, on a gravé les objets qu'on trouvait en bas sur des plaques d'acrylique. Là, on a gravé ça au laser. Donc, c'est très précis. Puis, ça nous permet donc de jouer sur des teintes, de blanc, disons. Donc, quand la lumière se réfléchit sur ces petites plaquettes-là, c'est là qu'on vient donc créer un peu de les objets qui sont partiellement distinguables. Il y a quelque chose de très ludique aussi derrière ça, donc c'est de l'ordre de la devinette, si on veut, là. À quelque part, oui. Mais je pense que ça va... Mais en tout cas, à voir sur place, justement, c'est très contemplatif quand même comme dispositif au final. Donc oui, effectivement, il y a un effet de jeu parce qu'on voulait vraiment transposer les objets de la collection qui se trouve au rez-de-chaussée. Justement dans l'étage qui est au-dessus, qui est vraiment là où il y a l'installation qu'on a montée. Puis de transposer ces objets-là tout en les traversant dans une modalité qui est plutôt numérique. Donc, justement, de les faire traverser un peu le temps. donc, en fait, c'est ça, on a fait tout un travail en début de résidence qui a consisté à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de photographies de chacun des objets pour faire un travail de photogrammétrie, qu'on appelle. Donc, au final, pas chaque objet, mais il y a certains objets qui ont jusqu'à 300 photographies qui ont été prises, qui ont été regroupées ensemble pour générer un rendu 3D, dans le fond, sur un logiciel de création 3D. Puis c'est à partir de cette modélisation-là, dans le fond, qu'on a fait différentes itérations, différentes déclinaisons. Donc, je sens des plaques de gravure sur acrylique où il y a une face de ce rendu 3D-là. Et comme Guillaume le dit, une surimpression en vidéo où il y a des jeux de lumière très intéressants qui sont faits également à partir du rendu 3D, mais en version vidéo. Et dans le descriptif de cette proposition là qu'on va pouvoir découvrir bientôt à la Maison Girardin. Dès demain, en fait. Dès demain, oui. Mm-hmm. On parle d'une installation immersive. Donc là, Nathalie, tu nous as expliqué un peu différents éléments. Donc, projection vidéographique, éléments gravés sur plaques transparentes. Il y a aussi des éléments sonores. Mais quelle est l'expérience qu'on vit quand on entre dans ce deuxième étage-là pour vivre cette œuvre en objet partiellement distinguable? Oui, ben dans le fond, c'est ça, il y a toute une transition qui se passe, justement, qui mise sur l'interaction, puis qui va justement dans cette expérience-là, qui touche à quelque chose d'un peu plus immersif. Dans le fond, avant d'entrer dans l'espace, ce qu'on entend, puis là, c'est vraiment au niveau sonore, en fait, c'est des sons qui évoquent les anciennes fonctions de la maison. Donc, cette maison-là, en fait, a habité une grande famille pendant plusieurs années. Puis, c'est une famille de forgerons. Il y avait un forgeron. Donc, justement, donc on entend beaucoup des bruits de métaux, de travail de métaux. Ça a été aussi... Il y a eu une petite laiterie. Ça allait appartenir à des sœurs. Donc, en tout cas, il y a toute une évocation au niveau des sons avant d'entrer dans l'espace de l'installation. Puis, quand on franchit le seuil de l'entrée, dans le fond, tout ça bascule vers un travail altéré du son. Donc, justement, un travail assez fait finement de sampling où on reprend les sons et plusieurs autres ont été enregistrés dans la maison de Girardin, justement. Ça a été un autre moment de notre résidence où on a capté des sons de la maison, donc différents couinements de plancher, des bruits aussi de loquets en métal, donc tout ce qui est vraiment par rapport à cette maison-là. Puis on vient, c'est ça, altérer ces sons-là d'une manière qui vraiment porte à l'immersion. Je ne sais pas, Guillaume, si ouais, ben, c'est ça, faut compléter. Faut quand même dire que avant d'expérimenter cette œuvre-là immersive, interactive, l'usager, l'utilisateur, la personne qui va visiter la maison Girardin va avoir fait un parcours sonore, en fait, avant, d'une trentaine de minutes. Donc ça, en tout cas, c'est un autre projet. Oui, c'est ça, parce que c'est dans le fond, vous, votre projet, c'est au deuxième étage. Donc, il faut obligatoirement passer par le premier étage d'abord et justement écouter ces sons-là qui sont, je crois, des sons d'archives. Entre autres, c'est entre ça. Autres, mais c'est, du moins, c'est des sons qui sont réaliste, puis en fait, dans ce parcours sonore-là, on te raconte des choses, des souvenirs. Fait qu'on est dans le très, très concret. Ouais. Donc, on trouvait ça intéressant, justement, d'amener, tu montes au deuxième, là, c'est concret, mais c'est des sons, tu sais, d'autrefois, parce que cette fonction-là de forge n'existait plus. Et puis, donc, ensuite, après ça, ben là, tu bascules vraiment, puis c'est là qu'on voulait pas s'attacher à des sons qui étaient trop figuratifs pour répéter la même expérience. Donc, on s'est dit, OK, là, on va s'inspirer d'eux, on va utiliser ces sons-là, mais on va complètement les éclater, là. En fait, si on reconnaît pas ça, c'est disons que les sons ne sont pas distinguables. Mais il y a quelque chose qui me fascine toujours dans les résidences et les créations à deux ou plus. Nathalie, tu nous as donné une bonne idée de toutes les manipulations mécaniques, techniques qu'il y a derrière votre installation, votre projet. Comment est-ce que vous travaillez à deux? Est-ce que vous vous partagez vraiment le travail ou c'est vraiment un travail commun à 100% tout le temps? Ben, faut dire que, en fait, c'est que si chez Avatar, on est comme employés, en fait. On travaille ensemble de toute façon. Donc, tu sais, il y a déjà, je pense, une synergie qui est là, tu sais, une espèce de façon de travailler en équipe là, qui est déjà instaurée. Fait que je pense que c'est assez organique. De là, de dire que comme telle personne fait telle chose, tu sais, c'est, je pense que c'est très pour eux. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Je pense que ça s'est placé au fur et à mesure du projet, vraiment. Tu sais, étant donné que ce projet-là s'est fait quand même, rapidement, dans le fond, ce qui était intéressant, c'était d'avancer comme ça d'une manière très décomplexée où on expérimentait quelque chose. Immédiatement, les deux, quand on trouvait qu'une expérimentation était intéressante, ben on avançait. Donc c'est ça. Ça s'est passé, comme tu dis, de manière vraiment organique. Donc, une espèce de synergie un peu à tâtons, là, si on veut, d'y aller chacun de sa contribution de manière très... organique ou plus... Puis c'est exactement. Ça, vous avez l'habitude de travailler ensemble. Et c'est présenté à partir de demain à la maison Girardin. Donc, c'est dans le cadre de l'exposition « Girardin raconte », un projet de Nathalie Leblanc et Guillaume Côté, qui s'appelle « En objet partiellement distinguable ». Merci beaucoup de vous être entretenu avec nous et merci Guillaume de partager tes oiseaux. Oui! Donc, nous... Beauport, c'est à Beauport aussi. En tout cas, je suis à Beauport, maison Girardin. Ah, bon, ben voilà. Il y a des oiseaux. C'est ouvert jusqu'au 29. Il y a des oiseaux, des loquets qui et une expérience immersive. Une belle expérience immersive sonore et on continue justement dans l'expérience sonore avec toujours un extrait de l'album Bruit TTV par le groupe du même nom. Donc, c'est la piste « Et où » qu'on écoute. Et au retour de la pause, bien, c'est déjà notre agenda de la semaine et on vous parle un peu plus, justement, de Bruit TTV. Oh là là! Sometimes I wonder who was guilty. Les victimes se faire appréhender sur la rue. I would have loved to be a singer. Bienvenue à l'aérospatiale, Myriam Leland toujours au micro, accompagnée de ma fidèle acolyte Gentiane La France, qui me permet de me concentrer un petit peu plus sur la console en prenant les rênes des entrevues. Donc, juste avant cette pause audio, on entendait Nathalie Leblanc et Guillaume Côté, accompagnés de ses oiseaux, puisqu'il était dans la cour de la maison Girardin à Beauport, où le duo présente une installation en lien justement avec... pas en lien, mais inspiré de l'histoire et des fonctions de cette maison tricentenaire. On a entendu aussi cette pause audio qui s'intitule « Et où ?», qui est tirée de l'album éponyme « Bruit TTV ». Donc, « Bruit TTV », c'est aussi le nom du collectif. C'est un collectif de recherche sonore formé d'artistes associés à Obscure, qui était une coopérative en art actuel. Donc, le collectif a été actif de 82 à 98. À la frontière des musiques ou non-musiques et de l'organisation des bruits. Les performances de Bruit TTV mélangeaient, en fait, dans des proportions variables, la composition et l'improvisation, l'instrument traditionnel et inventé, la poésie sonore et la bande magnétique. Donc, vous avez pu l'entendre un peu tout au long de l'émission avec les pistes qu'on vous a passées. C'est très différent des sélections musicales qu'on vous a jouées dans les dernières années. C'est justement à la frontière de la musique et de la non-musique, mais on avait très envie justement de vous faire découvrir l'art sonore parce qu'on a la chance à Québec d'avoir le centre Avatar qui est un centre qui est entièrement dédié à la recherche, la création, la diffusion et la circulation des œuvres et des artistes en art audio et électronique. Et en Amérique du Nord, Avatar est un pionnier en matière de recherche en art audio et électronique. Donc, on est très heureuses, Gentiane, la France et moi, de faire un partenariat avec Avatar, en fait, et de vous faire connaître un peu plus l'art audio Bien, quand on parle des arts visuels, on n'a pas tendance à en penser aux oreilles, justement, mais ça fait partie des arts, de la création artistique. On trouvait ça important d'ajouter un peu ça à notre émission. Oui, puis l'art audio explore, à l'image des arts visuels, l'abstraction, des aspects concrets, et vient comme éclater, si on veut, le médium sonore. Exactement. Puis pour terminer au sujet de Bruit TTV, les extraits qu'on écoute sont tirés de l'album éponyme, comme je l'ai dit plusieurs fois ce soir. Et c'est un album qui est les résultats, en fait, d'une tournée du groupe à travers le Québec qui s'est fait entre 89 et 92. Et ça fait naître, justement, ce premier disque-là, homonyme, que nous avons écouté ce soir et que nous aurons la chance d'écouter aussi en fin d'émission. Là, on aura un petit dernier extrait. Et c'est déjà le moment de notre agenda de la semaine. Gentiane, qu'est-ce qu'on peut voir et expérimenter cette semaine? Bien, on commence déjà par vous inviter à la maison Girardin pour Girardin Raconte. On vient d'en discuter avec les artistes Nathalie Leblanc et Guillaume Côté qui ont conçu un projet d'installation immersive au deuxième étage dans le cadre de cette exposition-là. Mais l'exposition en tant que telle est constituée d'un parcours auditif dans la maison Girardin qui a été préparé en collaboration avec le centre d'artistes Avatar et qui va permettre aux visiteurs ou visiteuses de plonger dans l'histoire locale d'une toute nouvelle manière. Donc, on peut écouter au rez-de-chaussée des anecdotes du Beauport d'autrefois à travers les murs, meubles anciens de la maison. Et au deuxième étage, on vous invite à vivre cette expérience plus expérimentale, actuelle et immersive que nous proposent Nathalie Leblanc et Guillaume Côté. Ça a vraiment l'air d'être une belle expérience à faire en famille, très ludique. Oui, exactement. Et faire identifier aux enfants quel bruit on entend. Tout à fait. Donc, c'est présenté jusqu'au 29 août et ça commence de demain à 17h. Et demain soir, on vous invite à sortir de la ville pour aller du côté de Est-Nord-Est, dans le beau village de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, c'est les portes ouvertes des résidences du printemps. Pour découvrir le résultat des recherches, des expérimentations qui ont été menées par les artistes Stéphanie Auger de Saguenay, Caroline Moxon de Montréal, Ingrid Tremblay de Montréal, ainsi que l'auteur Josiane Poirier de Montréal. Habituellement, Est-Nord-Est reçoit des artistes de l'international et cette année, COVID oblige, ce sont des artistes de la scène provinciale. Qui, mais pas de moins de qualité, non, par contre. Non, exactement. Et donc, à compter de 17h, vous êtes invités à venir visiter les ateliers des résidentes. Il faut faire une réservation et on prévoit environ une heure là, pour la visite des quatre ateliers. Donc, on vous invite à téléphoner à Est-Nord-Est, leur envoyer un courriel ou un petit message sur leurs réseaux sociaux pour réserver votre place si vous voulez sortir de la ville demain et aller faire un tour du côté de Saint-Jean-Port-Joli. En fin de semaine, il y a un bel événement qui est présenté à la terrasse de la coopérative Méduse. C'est l'événement Le Festin, présenté par Julie Faubert. Donc, Le Festin, c'est une fiction sonore performative qui se déploie sur la terrasse de l'ancien restaurant de la coopérative Méduse à Québec. Donc, situé quelque part entre les arts visuels, l'art sonore et les pratiques du vivant, le projet de Julie Faubert convie le public, donc vous, à un repas sonore extravagant, à une célébration généreuse des corps par le simple acte de manger ensemble autour d'une table, table que scinde aujourd'hui littéralement la distance sanitaire. Donc, je trouve qu'il y a des beaux projets en ce moment, justement, qui nous font profiter de ce déconfinement-là, de ce souffle qu'amène l'été. Donc, pour le festin de Julie Faubert à la coopérative Méduse, il faut réserver. Allez sur le site de l'Œil de Poisson pour connaître les détails de réservation. Donc, c'est les 4 et 5 juin et il y a des représentations, si on peut appeler ça comme ça, à 17, 18, 19 et 20 heures. Et en ce moment, se déroule un projet de l'orchestre d'orchestre. Je dirais même que ce projet roule plutôt qu'il se déroule, puisque c'est une performance ambulante qui est présentée dans le cadre du 21e Carrefour international de théâtre de Québec et dans le cadre également de la 15e édition du OFTA, Festival d'art vivant. Donc, jusqu'au dimanche 6 juin, donc toute la semaine, l'installation sonore itinérante qui est faite dans un camion de laitier et qui est diffusée par 12 haut-parleurs indépendants. Donc, ce camion laitier qui est un objet d'art, si on veut, de l'orchestre de Morchestre, un de leurs nombreux projets. Ce dispositif-là a quitté Québec le 28 mai dernier pour emprunter les petites routes au nord du fleuve, les petits chemins de traverse, et va atteindre Montréal le 6 juin. Donc, pendant les 10 jours du festival, l'Orchestre de Morchestre tient un carnet de voyage en ligne pour documenter quotidiennement les différentes splendeurs ordinaires et infortunes de leur périple. Donc, ce dispositif-là, composé, donc, je disais, de 12 haut-parleurs, est conçu pour être attrapé au vol, pour piquer la curiosité des passants, s'immiscer subrepticement dans le quotidien. Donc, c'est une curiosité. Donc, on invite les gens, évidemment, résidant dans les petites localités, petites et grandes localités, tout au long de la rive nord du fleuve entre Québec et Montréal, de partir à la recherche de ce projet. Et on invite toute la population à suivre en ligne ce très beau projet, donc l'Angélus de l'Orchestre d'Homme Orchestre. Donc, vous pouvez aller sur leur site web www.lodho.com. et explorer le site web, vous y découvrirez le carnet de voyage. C'est ainsi que se termine cette édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec, puisque nous y gardons un calendrier le plus à jour possible. Et vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. On y archive tous les événements Facebook qu'on peut trouver qui peut s'adresser à nos auditeurs. On a également un compte Instagram. Un grand merci à nos invités Nathalie Leblanc, Guillaume Côté et ses oiseaux, ainsi que notre chroniqueuse de la semaine, Delphine Eguesbar. On remercie également Avatar d'être embarqué avec nous dans cette collaboration bien excitante pour notre sélection sonore. Puis un salut spécial à notre Jérôme Bosch de la mise en onde, Jacques Gignac, qu'on a hâte de retrouver en studio, peut-être à l'automne, car oui, la saison se termine bientôt. Lorsque nous pourrons être plus de deux en studio. Oui, il y aura moins de petites gaffes de console à ce moment-là, parce que Jacques va nous régler ça assez rapidement. Ben d'ailleurs, on va terminer ces remerciements-là en te disant merci à toi, Myriam Leland, d'apprendre les rudiments de la console aussi avec autant de facilité. Oui, il y a des petites erreurs, mais moi je suis fascinée par ta vitesse d'apprentissage. Et on se laisse avec une dernière piste de l'album éponyme du groupe Bruit TTV, et on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de l'aérospatiale. À la semaine prochaine, gentille Anna France. Cette émission est disponible en balado-diffusion. C'est le retour du cinéma en salle dans les cinémas Le Clap Sainte-Foy et Loretteville. Présentement à l'affiche. Cruella, le diable n'existe pas. Riders of Justice, Souterrain, 3 jours et 1 vie. Un coin tranquille, deuxième partie. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. Au départ, ils ont commencé par faire des spectacles dans les écoles, dans les gymnases d'école. Et pour continuer à travailler quand l'école est terminée, ils ont commencé à faire du théâtre de rue dans les rues de Québec. À découvrir sur la Fabrique culturelle. En fait, il y avait du théâtre de rue, mais Paul était le premier animateur de rue au Festival d'été. Il était une fois, le théâtre de l'Aubergine. Souvent, on pense que le clown a un nez rouge, mais... Il y en a partout des clowns, hein? Il y en a même dans nos familles. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Ça nous ouvre sur le virtuel pour le futur, c'est magnifique. Et on a d'autres petits projets qui se préparent. Le Radioton de CKRL fut une réussite grâce à la grande générosité de nos commanditaires. le Conservatoire d'art dramatique du Québec, les éditions Michel Lafon, Casse-croûte Pierrot, la boîte à pain, Bugel la fabrique de bagel, Niki Sushi, la boutique Le Pédalier, Debs Thé et Lounge, Poil et Plumes, Bouquinerie Nouvelle Chance, Le Lopin de Terre, François Angers Graphisme, Groupe Mito Sushi, François Leduc Avocat, Érico Chocolatier, Équilibre Traiteur et Sanimax, ainsi que tous les partenaires et artistes qui nous ont offert 94 lots à l'encan du Radioton. Tout sera anormal. En ne regrettant rien, on se dira du